bien le mal, je suis toujours entre deux eaux. Je me sens comme Paco de Lucia. Tenir le cap jusqu'à poussière afin de laisser les sirènes dans le sillage. Je veux pas mourir devant ma télé dans un pavillon en Île-de-France. Laisse-moi rêver qu'il y a autre chose. Tout ce qu'on m'a promis c'est vide de sens. Dans mon cerveau c'est pire que les croisades. Je suis divisé comme si j'avais trois âmes. Je suis toujours là mais j'ai quitté Paname. Je t'ai menti si je t'ai dit que j'avais pas mal. Ça me prend au trip quand je vois leur violence. Parce que je suis pareil, c'est comme ça je suis un homme. Ma gueule où que j'aille, j'ai toujours pas ma place. À quoi bon faire le romain quand je suis à Rome? Moi mes 20 ans, c'était pas ceux d'Aznavour. Le temps je l'ai bien senti. Regarde mon cœur, on dirait la forêt juste après l'incendie. On marche avec ceux qui nous ressemblent. Je suis seul, ça va sans dire. Et le sapin, tous les jours un peu plus, ça commence à sentir. BM toute noire, je quitte la ville. Seules les étoiles m'accompagnent. Frérot, ma vie, c'est un film. La nuit et moi, faut qu'on parle. BM toute noire, je quitte la ville. Seules les étoiles m'accompagnent. Frérot, ma vie, c'est un film. La nuit et moi, faut qu'on parle. Soleil d'avril, je suis mélancolique. Il faut que je retourne à ma tour d'ivoire. J'ai imité le loup dans sa symbolique. La vie est belle, ou peut-être qu'elle l'a été. Un jour où on savait pas, je deviendrai la mort. Le destructeur des mondes, c'est pas ça qui m'arrêtera. J'ai toujours été seul, le désert c'est chez moi. J'ai essayé de te dire, j'ai même fait des schémas. Peu importe où tu vas, l'important c'est de schéma. Peu importe où tu vas, l'important c'est de schéma. Mentalité façon Jacques Brel. Perfectionniste pas de à peu près. Une heure je t'aime bien, pétasse pas de semaine. Si j'ai eu tort, frérot je le sais dans la minute. Regarde ton père, ça lui aura pris toute une vie. Haine et colère dans les sinus. T'as pas idée de ce qu'il te ferait pour une brique. Plus je sais, plus je souffre. Il sa mère c'est le jeu. Ils m'ont fait comme c'est au Georges. Dans la cité des dieux. Ta réalité je l'entends, c'est vrai mais c'est pas la mienne. Je parie que je te croise dans 10 ans et que c'est toujours la même. BM toute noire, je quitte la ville. Seules les étoiles m'accompagnent. Frérot, ma vie, c'est un film. La nuit et moi, faut qu'on parle. BM toute noire, je quitte la ville. Seules les étoiles m'accompagnent. Frérot, ma vie, c'est un film. La nuit et moi, faut qu'on parle. BM toute noire, je quitte la ville. BM toute noire, je quitte la ville. BM toute noire, je quitte la ville. BM toute noire, je quitte la ville.